fin du monde ne consiste pas à ce que nous mourions tous. La fin du monde, c'est d'abord ta mort. La fin du monde, d'abord. C'est d'abord, chacun doit être d'abord en ordre vis-à-vis du Seigneur. Ça, c'est la fin du monde de chacun. Cela-là, ça nous intéresse. Parce que d'abord, le cadre. Ça peut arriver à tout moment. Le Seigneur peut venir à tout moment. L'arrivée peut avoir lieu à tout moment. Mais d'abord, il faut être en règle avec le Seigneur chaque fois qu'on passe sa couche. Chaque fois qu'on va dormir. Il y a une crise cardiaque qui prend là, si tu es frère. C'est une question qu'on a posée. Quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus. Peut-on prier pour commencer cette session? Et les enfants, vous pouvez manger tranquillement. On va prier maintenant, on va commencer. Vous mangez doucement. Vous fermez vos bouches avec la nourriture, n'est-ce pas? On peut prier, on commence, n'est-ce pas? Seigneur, nous te rendons grâce pour cette troisième session en cette matinée. Merci pour cette pause que tu nous as accordée ici en Belgique. Encore, nous te remercions, Père de gloire, pour tout ce que tu nous as donné de manger. Merci maintenant, Père, que nous abordons cette session de questions. Nous comptons sur toi pour les réponses claires, précises, concises et biblique. Que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va à notre don. Question. Dans le livre, je crois, le livre de Luc, il y avait quelqu'un qui chassait les démons au nom de Jésus. Oui. Et les apôtres sont venus voir Jésus pour dire que... Voilà, on doit le stopper. Où est-ce qu'il a appris que, puisqu'il est, je sais pas, il n'était pas disciple du Seigneur. Oui. Où est-ce qu'il a appris que les démons obéissaient et on devrait chasser les démons au nom de Jésus. Voilà. Et quelle est la réponse du Seigneur Jésus? Le Seigneur Jésus lui dit, quand ils ont dit, devons nous l'en empêcher, il a dit non. Car il n'est personne qui, après avoir chassé les démons avec moi, avec mon nom, est contre moi. Et puis il dit, qui n'est pas avec nous disperse. Et celui-là est contre nous. Et qui est avec nous? Qui est avec nous? N'est pas contre nous. Qu'est-ce qu'il sera en train de faire? Donc vous voyez effectivement que le seul homme, s'il n'étant pas parmi les disciples, a eu la révélation que la Bible, que on est censé prier, chasser les démons, faire tout au nom du Seigneur Jésus. Et c'est quelqu'un qui veut servir Dieu. Il n'a pas besoin d'être dans un groupe, mais il sait Dieu là où il se trouve, par révélation. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il fait attention de faire cela. Il a de faire exactement le que vous avez fait. Il n'a pas besoin d'être ici dans le groupe. Comme les gens disent que non, si je ne sais pas Dieu dans mon groupe, tu n'es pas de Dieu. C'est pas comme ça. Il avait même plus de révélations que les apôtres. Il a plus de révélations que les apôtres. Il était avec Jésus. Il n'était pas physiquement avec eux. Il n'était pas physiquement avec eux. Mais il avait une relation, une intimité avec le Seigneur. Donc quand il voyait les œuvres que Dieu voulait, Jésus qu'il voulait, il faisait, il dit waouh, je veux être le Seigneur. Je vais faire comme il veut. Tu vois cela? Voilà. Question. Poser toutes les questions, et toutes questions bibliques ont une réponse biblique. Ami belge, enfant de Léopold II. Où est-ce qu'on vous accuse avec votre roi? On dit que votre roi a écrit, vous connaissez le fameux discours des rois belges qu'on a enseigné, les africanistes prennent pour proclamer. Vous connaissez ça, non? Et les gens n'apprenaient pas à Dieu parce qu'ils connaissent déjà Dieu. Oui. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Vous connaissez ce discours-là? Oui. Vous pensez que le roi belge a vraiment prononcé ça? Est-ce qu'on a des vidéos? Bon. Allons-y, prenons des questions. Maintenant, vous avez les langues. Tu cherches comme ça le carnet de tes questions, frère. Oh, et alors, déballons le carnet des questions. Je ne suis pas seul ici. Je crois que si tu poses des questions, c'est difficile. Rien ne va répondre. Ok. Tu peux parler de ces questions-là, ma venue, frère. Bon, il y avait des questions qui étaient un peu là. Oui. Tu as ton catalogue. Oui. Nous avons vu dans l'autre partie que le problème humain n'est pas un problème, le fait avec les individus. Que le problème humain, c'est le système, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et Dieu nous a dit, nous a montré dans Ecclésiaste au chapitre 5, que le problème de l'humanité se trouve dans le système pyramidal dans lequel l'homme est enfoui. Donc ce système pyramidal est un problème. Et c'est ce système qui caractérise et la religion. Et tout autre système que les êtres humains ont, c'est le système pyramidal. D'accord? Alors, j'ai une question ici, frère Gandhi. Si vous ne posez pas de questions, moi je vous en pose. Tous ensemble, quand vous écoutez les enseignements, vous lisez la Bible, vous vérifiez que si les enseignements sont juste après la Bible. Hein, frère Khan? Oui. Quand tu lis, tu es étonné. Ben, je suis dans la joie, je suis étonné, je suis... Voilà. Et que dit des témoins de Jéhovah? Comment ton épouse a fait pour se trouver dans le témoin de Jéhovah? Bah, ça, c'est. Voilà, c'est. Elle est née dedans. Et elle est née dedans. Son, ouais, il y a son papa, il y a sa maman, toute sa famille. Mais toi, tu n'es pas témoin, ouais, pas témoin de Jéhovah. Non, je ne suis pas témoin. Comment ils ont pu? Et moi, maintenant, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Et là, comment tu as fait pour épouser une témoin de Jéhovah? Convaincu, né de là, comment? Alors, je ne suis pas témoin. Alors, je ne suis pas témoin. Bon, on s'est rencontrés au père. Oui. Non, non, non, ce que je veux dire, non, non, non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, est-ce que c'est interdit? Non, non, dans le cas des témoins de Jéhovah espèce, le cas espèce, le témoin de Jéhovah se marie seulement avec les témoins de Jéhovah. Non, mais je veux dire, selon les démarches de Dieu, est-ce que c'est interdit de. Si je te marie avec quelqu'un qui a une religion. Là, je te pose une question. Tu trouves un bon type là, il dit sa religion, c'est le franc-maçonnerie. Il te demande, Maratia, accepterais-toi? Il faut dire que je crois, c'est quoi la franc-maçonnerie? Que je crois pas à ça. Non, non, si je ne crois pas, il dit, non, réponds-toi pas, oui, mais malaxe pas là maintenant. Tu sais exactement ce que c'est que la franc-maçonnerie. Tu sais déjà, n'est-ce pas? Je sais. Il dit par exemple qu'il fait partie des groupes, de 13, de Bilderberg, il fait partie des Illuminati. Il dit, tu prends la main. Qu'est-ce que tu fais? Comme je dis, ça dépend. Ça dépend. Et si tu vas chez un marabout? Bon, tu dis que c'est le ministère. Dis seulement. Passer le marabout par le Dieu. Si tu vas chez un marabout, il dit que tu travailles pour le diable. Il ne parle pas chez un marabout. Je prends le cas d'espèce. Un marabout vient te demander un mariage. Tu refuses pourquoi? Parce qu'il est marabout. Donc tu vois que c'est la religion. C'est le marabout. Là, tu refuses parce qu'il est marabout. Tu vois? Enfin, donc Dieu a donc mis dans la Bible des principes à lui. Quand il parlait au peuple juif, il dit quand tu seras entré dans le pays dans lequel je te donne, garde-toi de donner ton fils à leur fille, de prendre leur fils pour eux. Et il a dit le pourquoi. Il dit le pourquoi, c'est que si tu donnes tes fils là-bas ou bien tu prends tes filles, ils vont vous amener à adorer leur Dieu. C'est pour ça que Dieu a interdit le mariage entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui. Ouais. Quand cette sœur-ci qui est partie là maintenant de parler de cette souffrance, c'est parce qu'elle a épousé quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Parce que quelqu'un qui ne craint pas Dieu peut faire n'importe quoi. Il dit, oh, j'ai vu un film pornographique où je vais te sodomiser. Tu dis sodomiser, tu dis sodomiser, Sodome. Donc il va pratiquer ce qui était à Sodome. Il va pratiquer ça sur toi. Or, si c'est un enfant de Dieu, un chrétien, il ne ferait pas de telles choses parce qu'il sait que la Bible interdit ça. Or, comme celui ne craint pas Dieu, il n'est pas tenu de respecter cela. D'accord? Allons-y ici. Donc tu disais, ouais, mais, ouais. Comment tu as fait pour l'épouser, elle qui est aimée de Jéhovah? Bah ouais, mais ça c'est une longue histoire. Mais voilà, on s'est rencontrés au pays, elle était venue pour un projet. Et voilà, on s'est mis d'accord. Oh non, vous avez eu le coup de foudre. Bon, pas un coup de foudre, mais voilà. Vous avez craqué plutôt. Ouais, on s'entendait bien. Et non, mais attends, tu devrais gagner. Vous avez craqué l'un pour l'autre, vous avez eu des coups de foudre. Ça vous a fait dans le cœur. Non, pas craqué, mais voilà, on s'entendait bien. Ok. Donc c'était la vraie moindre. Ouais, parce que craquer, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai posé la question pour les serments, puisque voilà. Il y a déjà, avant elle, il y avait le serment. Ouais, même avant elle, il y a. Voilà, rencontrer beaucoup de filles au pays quand j'étais au pays. Et voilà, c'est quand j'ai suivi l'enseignement sur le mariage. Je me suis posé quand même pas mal de questions pour dire est-ce qu'il faut aller demander pardon, est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir en ordre. Parce que voilà, ça m'est chiffonné un tout petit peu, mais voilà. Eh bien, dans ce cas, il faut prier Dieu, n'est-ce pas? Revenons sur Madame témoin de Jéhovah. Ouais. Et elle était témoin de Jéhovah, elle était dans le pays pour peut-être les séjourner, ouais, n'importe quoi. Et là, elle est hors de ses parents. Tu as pu captiver son esprit, au point que tu l'as embrouillé. Ouais. Pas dire que je l'ai embrouillé, mais voilà. Elle n'était pas invitée à être témoin de Jéhovah. Bah, de temps en temps, elle m'invite, mais elle sait déjà mes. Non, je dis avant le mariage. Comment? Elle savait déjà que, voilà, moi j'avais. Puisque mes parents sont méthodistes, oui. Et voilà, il y a des enseignements où déjà chez mes parents ça passait pas, puisque voilà, j'ai trouvé quelques enseignements un peu, un peu... Anti-biblique. Ouais, pas anti-biblique, mais ça ne me convainquait pas, quoi. Je n'étais pas convaincu de tout ce qu'ils disaient, quoi. Et en fonction de leur façon de vivre ou leur façon d'aborder les choses, c'était pas ça. Et donc là, ta femme savait que tu étais méthodiste et toi tu savais qu'elle était témoin de Jéhovah. Ouais, mais mon problème c'est parce que Eric, connaissant la doctrine témoin de Jéhovah, lorsque tu épouses quelqu'un hors de l'assemblée, on t'excommunie. Que tu as apostasé. Et même ses parents devraient être vraiment virulents. Comment tu as pu faire pour pas. Je sais pas comment ça se passe. Parce que moi, leurs réunions et leurs anciens, voilà, Ils m'ont proposé des études publiques. Mais avant ça, avant le mariage. Non, non, non. Après, quand je suis venu ici. Non, mon problème, c'est l'histoire de voir comment ils ont fait pour t'accepter. Ben, c'est elle qui m'a accepté. C'est pas. Et ses parents ont fait comment? Ben, ils ont subi, quoi. Ils n'ont pas mis la pression pour quel âge? Non. Ils n'ont pas mis la pression. Même les témoins de Jéhovah commencent à essayer de former la pensée là, de ce côté. Ou bien les témoins de Jéhovah modernes. Ben, je sais pas. Okay. Parce que je savais aussi que voilà, chez eux, c'est. Voilà, ils sont toujours entre eux, ils sont toujours. Mmh. Et moi, des fois, je vais à la salle de royaume, mais voilà. Mmh. Ils savent déjà ma position que. Ils sont patients parce qu'ils savent que tout autant tu vas accepter. Mais tu vas faire quoi au juste? Où ça? Dans la salle du royaume. Dans la salle du royaume? Ben pour faire plaisir à madame. Ok, donc qui est Jéhovah? Jéhovah, je sais que voilà, c'est pas le nom de Dieu, je sais que c'est pas Dieu. Donc tu pars dans une salle où on ne sait pas Dieu, étant conscient que c'est pas Dieu qu'on a desservi là-bas, pour faire plaisir à madame. Si elle va chez le marabout, tu la suis pour lui faire plaisir. Comment? Mais le marabout, c'est un être humain. Tu pars là où c'est plus dangereux, comment? C'est ce que l'esprit qui travaille là-bas. Ben ouais, je suis au courant de tout, je suis, voilà. Et à chaque fois, j'y vais là-bas, voilà. Je pose une question, est-ce que ta dame te suit aussi là où tu pars? Non. Courage, d'accord, calme. Des questions? Donc, on a tenu conseil, on a dit que comme tu viens déjà comme ça, soit passant, c'est ma belle, et toi, tu vas subir. Ben, c'est ce qui est. Voilà, il y a déjà des boucliers que je. Voilà. T'as mis les boucliers. Ouais, moi, je suis sûr que, voilà, de temps en temps, ils me rappellent toujours, et c'est quand tu te décides et tout. Voilà, à chaque fois qu'on essaie d'aborder, à chaque fois qu'ils viennent à la maison pour, voilà, pour partager avec toi ou quoi, à chaque fois qu'ils essaient d'aborder les sujets, ils voient déjà que, voilà. Ce que moi je dis va toujours pas dans leur sens à eux, et voilà, ils évitent, soit ils arrêtent la discussion. Ils arrêtent la discussion, mais plus ouais. La prochaine fois ils viennent toujours, non? Ben là, ils abordent le thème, donc ça veut dire que petit à petit ils sont déconstruits à toi, ouais. La croyance de Jéhovah. Qu'est-ce qui va se passer s'il le cède? Il va continuer à être contaminé. Non, je veux dire, s'il ne cède pas à l'heure, il prend son chemin, il ne cède pas à l'heure. C'est sa femme qu'on va exclure. Ils vont exclure sa femme. Non, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Oui, si tu ne cèdes pas au témoin Jéhovah et tu prends une autre direction. Ouais. Non, c'est la conséquence, c'est sur sa femme. C'est sa femme qui est témoin de Jéhovah. On va dire qu'elle a épousé un non-croyant. Ouais. Déjà, ça s'est dit, mais... Et elle ira aussi, toi, tu... Non, c'est elle qui répond à cette question-là. Elle doit poser cette question-là. Ouais, voilà. Si elle choisit de rester témoin de Jéhovah, elle va se séparer avec lui. Ouais. Si elle décide d'aller avec lui, elle va se séparer. Parce qu'on va la mettre devant le feu en complet dans un jour. Voilà. Que ici, là, et moi, je m'attends toujours à la situation. Puisque moi, j'ai déjà, je sais... Tu t'es préparé quoi? Ben ouais, mais je savais déjà que les témoins, la façon de fonctionner des témoins de Jéhovah, puisque j'avais des amis aussi témoins de Jéhovah au pays. Mm-hmm. Voilà, je sais que voilà, ils vont toujours essayer, ils vont essayer toujours de venir, mais voilà... À chaque fois, moi je garde toujours ma position et c'est difficile de. Tu leur as dit, cache que nous n'êtes pas dans la vérité. Ben ouais, je leur ai dit à chaque fois qu'on aborde des sujets, je leur parle. Donc quand tu vas te baptiser maintenant, tu vas leur dire maintenant, je suis baptisé au nom du Seigneur, jusque dans la Bible, d'accord? Oui. Comme ça, on va te lâcher dans la prise. Oui. D'accord? Et mon frère, je vais te poser une question. Oui. Quand chaque fois tu vas là-bas, pour satisfaire ta femme, et tu connais qu'ils ne sont pas dans la vérité. Donc ça dit que quoi? Ça dit que c'est la compromission. Ma femme est catholique. Il dit sors de lui, comme ma femme était catholique. Il dit sors de là, elle ne sort pas. Donc il veut aussi marier. Elle m'assoit chaque fois pour suivre la maison. Marie. Et attraper les démons. Et qui va me délivrer après? Bonne question. Hein? Tu vois la question. Parce que tu connais la vérité. Mm-hmm. Quand tu connais la vérité, il n'y a plus de couverture. Donc Dieu ne te couvre plus si tu vas là-bas. Tu prends les musiques qui s'imposent. Parce que tu entres, tu es possédé. Tu vas être possédé automatiquement. Parce que là, c'est un milieu qui n'est pas bon. Dieu te dit fuis. Et c'est les démons qui t'enseignent. Tu que Jésus, je te suis, mais j'ai encore une partie de moi là-dedans. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut prendre position. Ouais. Même s'il faut tout perdre pour Jésus, tu prends position. Ben sa femme est douce. Mais non, ça c'est déjà. Je sais déjà à quoi. Voilà, je sais déjà à quoi m'attendre. Je sais déjà. Tout ça, c'est. Voilà. Je sais pas dire que je le sens, mais voilà, je. Je sais, voilà, les choix seront clairs. Bon, supposons que ta femme te dit demain que soit tu viens finalement, tu prends la décision, aider tes mains de jour, ou bien on se sépare. Qu'est-ce que tu fais? Bon, on se sépare. Tu l'aimes, frère? C'est une question, c'est une bonne question, non? Ben ouais. Est-ce que tu l'aimes? Ben ouais, je l'aime, mais je Comment veux tu que... as douté avant de répondre? Ben ouais, je l'aime, mais j'ai, comme j'ai dit avant, j'ai, voilà, c'est des questions pour savoir si, voilà, si j'ai pas... Parce que les serments, j'ai déjà fait 5, 6, 7 serments, mais voilà. Et comme on dit que c'est toujours à la première qu'il faut revenir, et voilà, j'ai un peu perdu, un peu, voilà, je me pose des questions. Est-ce que, et est-ce que ta femme a retiré? Oui. Tu souhaiterais du bien pour elle? Oui. Demande-lui de sortir de là. Et si elle refuse? Tu dis je t'aime, oui. Tu es obligé de sortir. Okay. Il y a l'autorité de l'homme, n'est-ce pas? Ok. Fais quand c'est depuis quand que tu t'es converti? Depuis quand je me suis converti? Ouais. Il est né dans le méthodisme. Oui, c'est que dans le méthodisme, la méthode n'était pas bonne. Il était dans le méthodisme, la méthode n'était pas bonne. Il a changé. Réellement, c'est depuis l'année passée. Quand je suis tombé sur les enseignements. Et tu étais avec la femme, celle qui est témoin de Jéhovah. Tu étais avec elle. Oui, j'étais avec elle. C'est-à-dire, quand tu demandes pardon, le Seigneur va effacer tout ton reste. Tout ce que tu as, les alliances que tu as fait au monde, le Seigneur va effacer. Et c'est à partir de maintenant que tu prends acte parce que tu connais la vérité aujourd'hui. Donc, avec celle-ci, tu ne peux plus divorcer. Si c'est ça. Il sait. Il mais, ne peut plus divorcer, même si celle-là ne veut pas quitter. Non, non, il ne peut pas. Si elle décide de partir, elle va aller au pied de Jésus. C'est Jésus qui va réparer son problème. Mm-hmm. Et comme il a épousé une inconvertie, c'est son fardeau. Donc tu vas intercéder. Donc maintenant que les gens intercèdent pour aller au ciel, tu intercèdes pour ta femme, pour que Dieu touche le cœur de ta femme. Donc il a double travail. D'intercéder pour sa femme. Il est tard, mais c'est parce qu'il attend. D'intercéder pour sa femme et prier encore le Seigneur. Donc il a deux. Donc pendant que les gens cherchent à aller au royaume d'abord, ils intercèdent, Jésus touche ma femme, Jésus touche ma femme, avant de commencer à prier. Mais dans ça suscite une question aussi, parce que dans ce contexte-là, la Bible dit que la prière de convertir sanctifie l'inconverti. Ça peut sanctifier, mais pas sauver. J'ai pas compris la question. On va arranger ça parce que les gens sont pas. Oui, on va le dire. Ah ben non, ça c'est le frère Trabi. Mais c'est pas lui, c'est son épouse. Non, c'est son épouse. Madame Trabi, tout naturellement. Voilà, Madame Joseph. Voici Joseph. Voilà la sœur. Voici la sœur reine. C'est une belle femme. Dis sœur reine. Sœur reine. Sœur, voici le frère Kan. Dandy Kan. D'accord? Voilà, sœur reine. Dis sœur reine. Elle s'appelle la reine. Le deuxième prénom, c'est pas encore. C'est un beau prénom. Deuxième prénom. Princesse ou reine Sandrine. Reine Sandrine. Sandrine. La sœur Sandrine reine. C'est bien, hein? Non. Ce n'est pas le seul centre catholique. D'accord? On y va. C'est vrai que. Frère Gandhi, quand il se trouve dans des sales draps. C'est nous qui compliquons la vie. Le frère Gandhi, quand il se trouve dans des sales draps. C'est terrible. Hein. La page est déjà passée. On était presque arrivé. Oui, donc lis-nous ça, 1 Corinthiens 7. La question se situe à partir du verset 14. Mm-hmm. Là, nous sommes arrivés précisément. Mm-hmm. Il dit ici, la Bible dit, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. La femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Et maintenant, ils sont tandis que maintenant, ils sont, maintenant saints. Ils sont saints. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la question que je voulais te poser. Qu'est-ce que tu dis, tu comprends? Il parle de sanctifier. Oui. Dans les deux sens. Oui. Parce que l'autre est converti, l'autre n'est pas converti, ils sont saints. Oui. Et la prière du converti sanctifie l'autre qui n'est pas. Non, on n'a pas demandé, on n'a pas dit la prière. Mm-hmm. On n'a pas dit le frère. Non, suis attentivement. On dit que le frère. Oui. Converti le croyant. Parce qu'on dit le frère, ça veut dire qu'il est converti. Ça veut dire que l'un des partenaires, parce que ça peut être le cas où c'est la femme qui est chrétienne, le mari est non chrétien et vice versa. On dit que l'un des partenaires sanctifie l'autre. On n'a pas dit qu'il prie, sanctifie. Il faut bien relire encore le verset. Donc c'est pas parce qu'il regarde, pas parce qu'il se met en prière, il dit oh Seigneur, sanctifie mon frère. Sanctifie, c'est pas ça. Avance là, tu vois. C'est parce qu'il est chrétien. Parce qu'il est chrétien. Non, attends, on lit. Il est sanctifié directement. Mange le pizza. Comme, lis ici. Verset 1 Corinthiens 7, 14. Oui, suivez attentivement. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Tu as vu, on n'a pas dit est sanctifié par la prière de la femme. on n'a pas dit est sanctifiée par la prière de la femme. On dit qu'elle est sanctifiée par la femme. C'est-à-dire quoi, mon cher? Pas besoin de prier, donc c'est pas la prière. Votre vie sanctifie les autres. Votre vie, dans notre vie, c'est une sanctification. C'est parce que ta vie, c'est la vie de sanctification. Quand tu as appris tout ce que tu as à toi est sous la couverture du Seigneur, Dieu peut le préserver ton mari au travail à cause du fait que c'est le mari d'incroyant. Tu as vu cela? Dieu peut lui accorder la promotion parce que c'est la vie d'incroyant, c'est l'épouse d'incroyant. Tu as vu cela? Dieu protège tes enfants parce que si ça te fait du mal, ça va lui faire du mal parce que c'est l'enfant d'incroyant. Donc Dieu a le regard, Dieu les met aussi à part dans certains domaines. Mais cette sanctification aussi, ce n'est pas le salut. C'est différent. D'accord? Cette sanctification, ça, ce n'est pas le salut. Remarque très bien, Ismaël est fils d'Abraham. Celle qu'on peut appeler maintenant la co-épouse de Sarai n'est pas la femme d'Abraham. Mais la Bible déclare que Abraham avait le cœur brisé à cause du fait qu'on devait chasser son enfant. C'est aussi sa semence. Dieu dit que tu fais ce que ta femme te dit. Parce que le fils là, ce n'est pas celui dont je suis en train de parler. C'est bien sa postérité. Mais à cause d'Abraham, il dit quand même que 12 princes sortiront de lui. Mais ce n'est pas lui la postérité selon la promesse. Tu as vu cela? Mais à cause du fait que ce soit sa semence, il a aussi fait cela. Mais selon la chair, il lui donne ce qui est selon la chair. Mais pour ce qui est de la promesse de la vie et de la venue du Messie, c'est ici que ça se passe. Ça n'a rien à voir avec celui-là. C'est ça dont il est question ici dans 1 Corinthiens. Ah, ok, c'est clair. Voilà. On a fini avec la possibilité de Judas. La possibilité de Judas, on a fini jusqu'à fermer. Sans qu'il ne réponde. On avance. Il y a une deuxième question. Pause. Dans le livre de 2 Corinthiens, oui. Chapitre 8, oui. On va dire verset 9. Oui. Bon, il avait commencé à parler de Colette un peu plus haut. Oui. Et après, il a parlé d'une richesse ici. Je lis directement le verset. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Pour vous enrichir. Oui, pour vous enrichir. Oui. Qu'il était. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichi. Oui. C'est quelle la richesse? C'est quelle pauvreté d'abord? Jésus était pauvre. On a dit parce que pour que par sa pauvreté, vous serez enrichi. D'accord? Oui. Christ nous a donné quoi? La vie. Dis-moi ce qui est plus cher que la vie. Alors, c'est ça, voilà l'abondance de richesse qu'il nous a donné. Il dit, je suis venu afin que les bébés aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les doctrines de prospérité disent que voilà, ça c'est l'abondance. On dit des riches qu'il était. Il était un banquier. Non. Ce n'est pas de ça dont il est question. D'accord? La Bible déclare qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Toute la gloire que nous recevons maintenant, c'est la gloire qui est issue de lui. Toute la richesse, toutes les richesses que nous pourrons nommer, que nous ne comprenons même pas, viennent de lui. Il ne s'agit pas de l'argent, ni des héros et autres, ni de quatre banquets, ce n'est pas dans notre question. Parce que la Bible déclare, alors il ouvre Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Proverbe. Tu es dans le chapitre 8 des Proverbes, mon cher? Oui, oui. Allons-y, lis-nous le verset 15 en descendant. Proverbe chapitre 8, verset 15. Oui. Mais alors, c'est samedi aussi, à Boussé, c'est le dimanche. Oui, ça dépend de lui. On y va? Oui. Allons-y, verset 15. Par moi, les rois règnent. Oui. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Ce qui est juste. Oui. Ce qui est juste, continue. Oui. Par moi, gouverne les chefs de la terre. Les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Oui. 17. J'aime ceux qui m'aiment. Oui. Et ceux qui me cherchent. Mais me trouvent. Oui. Avec moi sont la richesse et la gloire. Oui. Les biens durables. Oui. Et la justice. Tu as entendu ce qu'il a dit? Oui. Il avait lu son quoi? La richesse, la gloire. Oui. Et les biens durables. Oui. Oui. Continue. Les biens durables. Et mon fruit est meilleur que l'or. Oui. Que l'or pur. Et mon produit est préférable que l'argent. Quel produit? Parce que quand on parle de richesse dans ces 2 Corinthiens 8, on pense à l'argent. Ici, il dit que son produit est préférable à de l'argent. Dans ce cas, il parle de quoi comme produit? Sur la tête, tu demandes à quelqu'un que tu veux quoi? Il veut que mon compte soit fourni de 1 million d'euros. Automatique, c'est ce qu'il veut. N'est-ce pas? Mais ici, il dit qu'il a, il possède quelque chose qui est supérieur à l'argent. C'est qu'il faut qu'on pose la question, de quoi est-ce qu'il est question? Parce que c'est supérieur de l'argent. D'accord? Ça veut dire que c'est inestimable. Allons-y, continue. Vie éternelle. Et on peut acheter cela? Non. Ah, on va. Ok. Je marche dans le chemin de la justice. Oui. Au milieu des sentiers de la droiture. Oui. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Oui. Et pour remplir leur trésor. Oui. Donc, on dit ceux sur le trésor, on les remplit. Ceux qui l'aiment. Et comme tu avais dit dans une question, comment se fait-il que ceux qui le suivent souffrent? Ben lui dit qu'ils ont un trésor. Et il va remplir leur trésor. Si on ne comprend pas Dieu, on peut devenir fou, tu le dis. Parce que ce qu'il dit semble être contraire. Allons-y, on va dans ça. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Ça, c'est le verset 22, n'est-ce pas? Mm-hmm. Allons-y au verset 34. Mais prenons le verset 30 en descendant. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices. Oui. Jouant sans cesse en sa présence. Jouant sur les sur le globe de la terre, de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Mm-hmm. Verset 22. Non, il dit, va au verset 30 rapidement, verset 30. Oui, 30. Oui, oui. Je suis au 30. Tu veux dire? J'étais à l'œuvre auprès de lui. 33 maintenant. 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Comment? Écoutez. L'instruction. Pour devenir sage. Oui, continuons. Ok. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui veille chaque jour à mes portes. Oui. Et qui en garde les poteaux. Oui. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Tu entends ça? Oui. Mm-hmm. Et il obéit. Non, il obtient la faveur de l'éternel. Oui. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Oui. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Pardon. Alors finalement, ça veut dire que Dieu a une pleine richesse. Et la Bible déclare que cette richesse, elle est abondamment répandue sur nous par Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de compte en banque, ni de billets de 500 euros en grande quantité dans son compte. Je ne vais pas te poser les questions. D'accord? De la richesse dont l'apôtre Paul parle là-bas, c'est pour parler en comparaison avec ce que nous pouvons appeler richesse sur la terre. Oui. Des questions? Aurélie, ça va? Tu es étonnée de me voir? Pourquoi? Si tu me voyais sur Skype, me voici là maintenant. Tu m'as regardé quoi alors? Quand tu t'es encore, ils vont se parler sur Skype, non? Tu t'es en Belgique, on s'est vu sur Skype, n'est-ce pas? Mais posez des questions. Si vous n'avez pas de questions, moi je vous en pose. Et si vous n'avez plus de questions, on descend voir les vidéos. Daniel veut poser une question. Daniel pose les questions. Maintenant tu manges, tu es inspiré. J'ai remarqué la dernière fois que j'étais en ligne avec maman, alors il y avait des gens qui se sont connectés, ils se sont directement déconnectés. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'étais pas là, je ne peux pas répondre. Lui n'était pas là. Je ne sais pas pourquoi. Chacun a son raison. Le jour qu'il sera encore connecté, dis-le. Eh ben, j'ai remarqué la dernière fois que vous étiez connecté ici. Vous êtes déconnecté. Je ne sais pas pourquoi. Dites-nous pourquoi. Je ne sais pas la réponse à cette question. Ce n'est pas biblique, n'est-ce pas? Oui. Autre question? Quand dit Khan? Les questions? Comment tu écris comme un mathématicien comme ça? Aïe. Bon, je crois que les gens n'ont pas de questions. Il y a une question ici. L'apôtre Paul parlait dans l'épître des Philippiens et disait comme ça au verset Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, verset. On va prendre le verset 17b. 17 même, on commence comme ça. Tandis que ceux-là. Bon, on commence même au verset 15. Oui, il parlait de ceux qui annonçaient. C'est chapitre 3, verset 17 et 20. Lisons cela. Chapitre 3, ouvre le chapitre 3. là-bas, ça se trouve. Chapitre 3. Verset 17, un descendant, c'est là où ça se trouve. Depuis 3. Tiens, Dani. Philippiens chapitre 3, verset 15 et verset 17 à suivant. Philippiens le chapitre 3. Alors, la question se trouvait dans le chapitre 1. Il disait quoi? Il disait chapitre 1, verset 15. Bon, on va commencer au verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêche Christ par envie et par esprit de dispute, okay. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Oui. Ceux-ci agissent par amour, oui. Sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Oui. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe. De toute manière, Christ, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et la question était pour mon mari, il disait que... Donc, c'était, puisqu'il est présent, je crois que c'est lui qui parle. La question, était de savoir, est-ce que c'est que ceux qui sont en train de... Parce qu'il a dit quoi? Peu importe qu'il prêche les deux groupes, c'est qu'il suit Christ. Les moins prêchés. Oui. Mais est-ce que ce qu'ils sont en train de faire est pour la gloire de Dieu? Et pourquoi? Quel rapport ça a avec Christ? Oui. Est-ce que ça emmène les gens à Christ? Oui. Est-ce qu'ils sont, ils rentrent de la bonne façon? Bonne question. Maintenant, il faut distinguer maintenant deux cas de figure. Oui. Des gens qui souhaiteraient être appelés par le Seigneur et qui font l'œuvre du Seigneur sans le Seigneur. Comment? Ils souhaitent être appelés par le Seigneur. Et au Seigneur, mais le projet comme l'autre là, ils font ces choses-là. Ils travaillent pour le Seigneur, mais ils n'auront pas de récompense. J'ai vu quelqu'un remercier la plaque d'immatriculation, la plaque d'indication en indiquant que Bruxelles, 420 km. Vous aidez à arrêter, vous dites merci, mais on va indiquer. Mais vous allez quand même là-bas. Mm-hmm. Est-ce que cette plaque-là va savoir un jour à Bruxelles? Jamais. Ça n'ira jamais à Bruxelles, mais pourtant ça indique les gens d'entrer à Bruxelles. Mm-hmm. N'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, il y a des choses, donc, il y a des gens qui utilisent donc, le nom de Christ pour des motifs par Satan, justement pour détourner les gens. Mm-hmm. C'est donc eux que la Bible parle dans 2 Pierre et parle dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Il dit ces gens-là sont les faux apôtres, les ouvriers trompeurs. Voyez cela. Et au verset 3, il dit d'abord si vous pouvez recevoir un autre Jésus. Mm-hmm. Vous prêchez un autre Jésus, vous recevez un autre esprit, parce que c'est un autre évangile. D'accord? Mm-hmm. Dans Galates chapitre 1, il dit que ces gens-là veulent renverser l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas qu'il y ait un autre évangile. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui veulent renverser l'évangile. Il y avait d'autres personnes. Si vous regardez dans la défense de l'apôtre Paul, il y a des gens qui contestaient son apostolat. Virulement contestaient. Pas que ces personnes-là étaient des satanistes. Mais ils contestaient son apôtre en disant que si tu es apôtre, nous aussi nous allons faire être apôtre. Nous pouvons faire telle chose selon Dieu. C'est pour ça qu'il a dit que ceux-ci annoncent Christ par esprit de dispute. D'autres le font par esprit bienveillant, parce que certains reconnaissent Paul que non. Christ, il a été appelé par le Seigneur. Mais il dit que ce soit qu'ils annoncent de cette façon-là, ou bien que les autres annoncent comme nous sommes en train d'annoncer, que ça n'est pas moi annoncé. Ce groupe-ci, c'est différent du groupe des satanistes qui sont ici. D'accord? Donc, c'est les gens qui voulaient dire ils ont le temps de s'invulater. C'est comme ça qu'ils vont discuter au milieu, c'est l'esprit de dispute. Donc, en fait, ils n'ont pas de récompense là-dedans. Ils servent Dieu sans Dieu. Mais ceux qui parlent. Ils vont qui veulent Christ. Absolument. Mais eux, ils n'entrent pas. De la mauvaise façon. Non, ce n'est pas de la mauvaise façon. Parce qu'ils prêchent Christ. Parce qu'on dit Christ n'en est pas moins en nous. On connaît le nom de Christ partout. Maintenant, Judas Iscariote, le premier qui va en enfer, là, il annonçait Christ de la bonne, mauvaise façon. Non. De la bonne façon. Les gens croyaient. Oui. Ils entraient. Oui. Il lui est entré. Non. Absolument. Auto-indicateur. Voilà. C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Non, comprends pas. Aujourd'hui, par exemple, nous, ce qu'on faisait dans la rue, oui. Nous, on disait aux gens. On les envoie dans les dénominations. Oui. Comment ils sont sauvés? Non, ce n'est pas Christ là-bas. Le problème, c'est que vous en avez les dénominations. Ici, l'apôtre Paul dit qu'il ne dit pas que les... Il a dit qu'ils annoncent Christ. Ils vous annoncent, viens voir mon pasteur. Vous avez déjà sur le pasteur, c'est au fond du commerce. C'est au fond du commerce. Donc là, c'est différent. En fait, nous disait de quoi? Une pêche, parce que l'évangile, on considère la prédication comme un filet qu'on lance. On lance, oui. Et quand on lance, il faut attraper les poissons. Et envoyer où dans la maison? Non, dans le panier. Tu sais, mon frère, le panier, c'était la dénomination. Mon frère, tu sais, quand tu fais t'as pas appelé, tu commets les dégâts. Oui. C'est-à-dire que celui que tu as amené là-bas pour le sortir, c'est une. C'est un autre problème. C'est encore un autre problème. Donc, c'est-à-dire que tu vas encore, tu es dans la vérité. Et tu vas partir à la Côte d'Ivoire, peut-être en Côte d'Ivoire. Tu vas encore les voir dans l'Ivoire. Comment est-ce qu'ils vont faire pour sortir? Tu vas pas là, tu vas là, on va sortir, dis-le. Ils ne sortiront plus. Que je... On le sort par le pays ici. Donc le panier là nous a attrapé. Ça dit, tu vois, Tom, les dégâts que tu as causés. Et dans le. Tu vois, c'est comme ça. Alors, quel est le problème maintenant? Le problème maintenant, c'est que quand tu arrives dans la vérité, tu dis, ok, prenons un exemple de l'apôtre Paul. Quand il était chez les pharisiens, n'est-ce pas, il convertissait les gens chez les pharisiens. Quand il prêchait n'importe quoi, c'est pour amener chez les gens chez les pharisiens. Quand il discutait avec les sadducéens, il pouvait convaincre avec son grand savoir. Parce que même le roi disait que Paul, ton grand savoir t'est fait de la désorganisation. Parce qu'on savait qui il était. Donc quand il avait des débats publics, quand il se place comme ça, il dit, oh, on est fini, c'est parce qu'il va nous finir. Alors il convertissait les gens chez les pharisiens. N'est-ce pas, les mêmes pharisiens, quand il a converti la vérité, il a fait sortir quelqu'un. N'est-ce pas, il vient, il parle, même le docteur qui l'a enseigné, qui lui a entendu, qu'il dit des choses de bon sens. Ça l'a permis d'entrer. Non. Donc, même ces gens-là l'ont livré, parce que le livré pour être tourmenté, non? Donc, c'est la même chose, je dis. Il prêche les gens, il envoie dans la dimension. Mais il dit que plus tard, quand il a connu la vérité, il croyait lui aussi servir Dieu. En son temps, il prêchait aussi, il envoie dans la dimension comme tu as envoyé. Mais quand il est venu, il n'a pas le faire sortir là, c'était un problème. Donc, l'esprit n'a pas changé. D'accord? C'est donc pour cela que quelqu'un, chacun doit d'abord s'asseoir. Jusqu'à ce que Christ l'appelle. Si tu appelles, il t'équipe pour une œuvre. On dit, ah! Les gens périssent, il faut qu'ils coupent avec eux, ils périssent. Tu es le créateur. Non. Avant que tu naisses, les gens qui périssent, tu étais au courant. Pendant que tu parles que les gens périssent, ils sont en train de mourir là, tu es au courant. Ok, maintenant, si Dieu a sa brebis, peut-être à l'ouest de l'Allemagne, de l'Allemagne, tu peux savoir cette brebis-là, que cette brebis-là. Les gens qui étaient à Jérusalem savaient que Lévi Éthiopien était venu à Jérusalem. Non. N'est-ce pas, lui, quand il a voulu, il a envoyé quelqu'un le sauver. Oui. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons sauver les gens plus que Dieu. Nous voulons même dire à l'auteur, donner l'ultimateur à Dieu de sauver toutes nos familles, de faire entrer tout le monde. On veut aider Dieu. Alors qu'on ne peut pas. C'est ça. D'accord. Oh, il faut parler aussi pour qu'il y ait une condamnation, pour que ça pousse à la condamnation. Toi qui parles là, il faut que d'abord que tu sois dedans. Ah, oui. Parce que Judas a beau dire, repentez, le royaume de Dieu arrive, lui-même n'y entre pas. Il a beau crier, pas vrai? Donc, le fait de prendre le temps pour se nettoyer est une très bonne chose. Non, pas qu'une très bonne chose, c'est la chose excellente. Ouais. Parce que Jésus a dit ça autrement. Il dit que comment peux-tu dire, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil alors que tu as la poudre dans ton propre œil. Après, il dit hypocrite. Après, il dit hypocrite. Ôte premièrement la poudre qui est dans ton œil, alors tu verras la paille qui est dans l'œil de ton frère. Comment tu vas aider quelqu'un qui est dans le monde, qui vit dans le péché, si tu ne peux pas se séparer, alors que toi-même à l'intérieur, tu as le problème de masturbation. Comment tu vas l'aider? Et il te vient, il te dit, oh, j'ai entendu parler de Jésus comme ça là. Il dit que j'ai un gars. Il y a Sandrine là qui me tourmente. Quand il la regarde comme ça, je tombe, je ne peux même pas m'en séparer. Je dis non, aujourd'hui, demain, je dis oui. J'envoie le message que c'est fini, après j'envoie le message, je dis non. Je ne sais pas comment faire. Toi-même, tu ouvres aussi les yeux. Je dis, moi-même, j'ai ma part là, la pornographie ne me laisse pas. Qu'est-ce que celui-là va faire avec toi? Il m'a dit mon cas. Donc, même toi qui es dedans, ça ne te laisse pas. Donc, mieux, ça veut dire qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de solution. Pas vrai? Alors, tu peux prêcher l'évangile de Christ avec puissance. Le Saint-Esprit secoue le cœur, il dit qu'est-ce qu'il doit faire. Le Saint-Esprit donne la solution. Toi, tu n'as pas de solution pour tes propres problèmes. Tu peux annoncer les gens en disant que Jésus-Christ se sauve. Guéri, sauve. Après un temps, toi-même, que tu restes enquêté, tu voudrais est-ce que je suis sauvé? Alors que tu dis aux gens que Jésus sauve. Comment tu peux dire aux gens que Jésus sauve alors que tu n'as pas expérimenté? Comment tu dis aux gens que Jésus guérit alors que tu n'as pas expérimenté? Tu es malade. Ça se comprend pas. Ça, d'accord? On parle, c'est pour ça qu'on parle des témoins. C'est ça. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose pour témoigner. Oui. Il y a des gens qui vont témoigner. Quand Jésus a guéri quelqu'un de l'aveuglement, il a dit, maintenant, je vais te suivre partout où tu vas. Non, c'est ce démoniaque qui avait 6000 démons à Gadara. Il a dit, je vais te suivre. Il dit, non, va raconter ce que Dieu a fait pour toi. Quand on va le voir, on dit, comment tu as été guéri? L'homme qu'on appelle Jésus est venu vers moi, il a enlevé mes démons. Voilà son témoignage. Ça va toucher les gens. Les gens vont entrer. Voilà sa part d'évangile qu'il a lancé. Parce qu'il a rencontré Jésus. Il ne connaît pas ce que jusqu'à enseigner depuis la Galilée. Il ne connaît pas le sermon sur la montagne. Il connaît, enfin, il y a un autre dans Jean chapitre 9 à qui il a touché les yeux. Il a dit, on a posé la question que ben, qui t'a ouvert les yeux où les derniers se dissipent. Qu'est-ce que tu dis de lui? Il dit que c'est que je sais, c'est qui m'a guéri. J'étais aveugle, maintenant je vois. Point final. C'est pas ça. N'est-ce pas un témoignage, frère? Parce qu'il était malade, maintenant il est guéri. Si vous dites qu'il est démoniaque, c'est votre problème. Moi, il ne le connaît pas comme ça. Donc, vous connaissez Jésus. Vous qui dites que vous êtes du Seigneur, vous n'avez pas pu me guérir. Oui. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a guéri. Donc, il est du Seigneur. Il a dit que c'est de Dieu. Moi, il dit, après l'esprit, même que nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Les pécheurs. On dit que, mais va là-bas, tu es né tout là, tu veux nous apprendre la Bible ou quoi? Nous sommes nous qui sommes nés dans la Bible. Mon père était un sacrificateur. C'est pas comme ça, c'est pas par héritage. C'est religieux. Pas la religion. Il veut demander comme la science. Alors, un témoin de Christ, c'est quelqu'un sur qui le Saint-Esprit est venu pour le pousser à témoigner. Un témoin de Christ, ce n'est pas quelqu'un qui peut raconter ce que les livres disent. Mmh. Un témoin de Christ, ce n'est pas quelqu'un qui peut raconter des fables, raconter des histoires bibliques. Ça, c'est le tintin. Ça, c'est le tintin. On raconte ça aux enfants. D'accord, c'est pour cela que quand ça fait comme ça, ça reste aussi sur le plan intellectuel. Parce que ça sera comme Astérix et Obélix, quand tu racontes à l'enfant. Mais la puissance du témoin du Saint-Esprit, écrit sur le cœur par l'Esprit de Dieu. Vois cela. Voilà. Donc, il faut le Saint-Esprit pour sortir. Il faut que le Saint-Esprit sorte. On peut aller quelque part voir quelque chose. Acte chapitre 16. C'est comme certains pasteurs, c'est Jésus guérit, Jésus guérit. Après, il se cache, il appelle le médecin. Et on peut se voir. C'est un problème. Puis encore, il y a des pasteurs au Cameroun. Quand il y avait des cas difficiles, il y a un pasteur qui il avait un ami marabout. Quand il y avait des cas difficiles, il l'envoyait chez le marabout. Il appelle le marabout qui dit envoie un patient là. Mais c'est quand même terrible. C'est-à-dire que tu as au pasteur, tu es en collaboration avec le marabout. Donc quand le cas difficile, il dit au marabout que examine-moi la chose aussi. C'est le sorcier, c'est le sorcier. Ah, c'est terrible. Un seul peu par où il y a la Bible. Quand tu as pas été appelé, c'est ça. Vous voulez quoi? Acte chapitre 16. Daniel, ta Bible est où? Tu as mis une Bible dans la Bible. Il a arrangé ça. Que Dieu vous bénisse. Acte chapitre 16. Je vais lire à partir du verset 4. Tu as besoin de prendre un petit repos. Courage, d'accord. On te prend de le catholicisme, on fait 45 minutes, on te bombarde 4 heures. C'est pas normal, ça, quand même. C'est un choc psychologique. On veut tuer ton cerveau. Acte chapitre 16, à partir du verset 4, dit, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Je vais vous montrer quelque chose. Verset 6, écoutez très attentivement. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie et traverser la Phrygie et le pays des Galaties. Vous avez vu quelque chose? On a dit qu'ils ont été empêchés. Par qui? A fait quoi? D'annoncer la parole. Dans l'Asie. Dans la province d'Asie. Dans cette Asie-là, ce sont des animaux qui habitaient là-bas. Non, des hommes. Pourquoi le Saint-Esprit demande qu'il n'annonce pas la parole là-bas, que l'évangile est censé être prêché partout? Le pasteur pentecôtiste de Jésus dit qu'allons faire grande part en campagne pour. Il faut qu'on sauve tout le monde là-bas. Le Saint-Esprit d'ici ne partait pas. Vous voyez là, n'est-ce pas? Verset suivant, verset 7. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Voici des gens conduits par le Saint-Esprit. Ils marchent selon là où Dieu les envoie pour aller prêcher. Ils ne sortent pas pour dire. Ciblons la gare du nord, la gare du midi aujourd'hui. On va encadrer. Toi, tu restes au sorti sud. C'est comme ça nous faisons. C'est comme ça vous faisiez. 10 heures au sol, quand on sort, on dit on a gagné. Marc Oury, on a gagné. Gagné quoi? Nami. Alors qu'il y a aucun. On a gagné. Alors qu'après, il y a aucun converti. Aucun converti. Zéro. Zéro, c'est converti. Sans bâtir. Avec rien. On prêche au désert. Oh. Il prie, j'ai mis ça. C'est fini ça. Les gens appellent les autres. Non, c'est censé. Dieu t'envoie là-bas. Si tu tombes sur. Quand tu pries même sur un franc-maçon, il te touche à nous là, tu tombes, tu es trop malade, tu as du pâté. C'est quoi? Il y a des vidéos là-bas. Je vais vous montrer une vidéo. C'est quoi? C'est dans votre pays. C'est, je pense que c'est au Congo. C'est un catcheur. Un catcheur dans votre pays au Congo. Qui est venu confronter un pasteur qui avait construit son stade, son estrade en plein jour. Il prêchait. Je crois que c'est le catcheur est venu dire: oh, toi! Je peux te faire tomber là où il est. Le pasteur a blagué là comme ça. Moi, le pasteur est tombé, bah, évanoué. Le catcheur a fait, on a porté le pasteur suivi. Tout le monde était derrière le pasteur. Il était avec sa Bible, il est tombé. Je vous montre la vidéo. Donc, l'évangélisation, c'est la lutte contre les ténèbres. Si Dieu ne vous a pas oint, ne partez pas. J'arrive là. Donc, en réalité, il faut faire attention avant de s'aventurer parce que vous allez délivrer les gens de la puissance des ténèbres. Et la puissance des ténèbres sont des puissances gigantesques. On dit qu'ils sont des autorités, des principautés, des princes de ce monde. Des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre eux que nous avons à on dit donc que voici les armes. Prenez, voyez avoir la vérité pour ceinture. Tu as les faux papiers. Tu peux annoncer l'évangile à quelqu'un. Avec les faux papiers. Donc, quand tu n'as pas la ceinture, on tire ta culotte comme ça. Tu seras nu, non? Oui. Et puis, un de ces jours, tu te protèges devant le démon. Tu vis avec la femme de quelqu'un. Tu dis que toi, démon, sors. Il dit, oh, ne fais pas, il te livre, c'est un spectacle. C'est pas toi qui couches avec la femme de quelqu'un, tu vois le pasteur disparaître de la foule comme ça. Vous voyez cela? Pourquoi? Parce que tu n'as pas la vérité pour vous sentir. Tu ne te tiens pour rien. Et la Bible déclare qu'on scinde les reins de notre entendement. Alors, il faut donc qu'on s'arme d'abord. Avant de sortir, quand le Saint-Esprit nous envoie. Vous pouvez être là comme ça, vous dites, ah, il faut qu'ils soient pas allés prêcher les gens. Dieu dit, je veux que tu restes ici, à genoux. Prie pour la ville de Namur. Prie pour Bruxelles. C'est là où Dieu t'a dit que tu sois, c'est là où il t'attend. Tu ne peux pas sauver les gens de parce que d'abord, tu n'as même pas le bon salut entre tes mains. D'accord? Alors quand vous partez au marché de Makuri, vous partez au marché, vous prêchez, vous criez, la sueur colle, le sort là-bas. Après, vous dansez comme ça, vous avez dansé, là, vous dansez, les gens aussi dansent avec vous. Quand il faut faire la décision pour suivre Jésus, ils suivent. C'est les répétitions. Donc, tu as mis les yeux qui répondent. Et puis, comment ça se passait quand c'est... Non, oui, c'est comme ça, ça se passe toujours. D'autres sont toujours dedans. Courage. Non, oh, vraiment. Il faut prier pour eux. Oui, donc. C'est poser la question. Comment tu me poses la question? Oui, oui, vas-y. C'est où ça que. Ça, c'était Abidjan, Côte d'Ivoire. Il faut prier pour eux. Et toujours, c'est comme ça, frais pour sortir. Toujours frais. Oui. On va dans tel lieu. Et quand parce que Jésus n'est pas un pauvre. Quand on finit de prêcher. Vous rentrez, vous confirmez. Soit, bon, c'est... Quand je confronte ça aujourd'hui à les Écritures, je vois que c'était des temps... C'est bavardage. Bon, attends, je pose la question. Oui. En détail, est-ce que vous lisez la Bible comme tu lis maintenant? Non. Tu avais la colonne. Et tu annonces donc quoi à quelqu'un? Jésus sauve. Ah, c'était des fables. C'est... Bah nous, on oui, savait... il est mort à la croix. Nous, on savait qu'il sauvait tout le monde. Oui, oui, c'est tout, quoi. Il sauvait tout le monde, donc il est venu mort. Le monde, mais... Voilà. Ah, tu suis en ce moment, là c'est autre chose. On voit que voilà, il y avait des gens, ouais. Il y a déjà des gens qui sont faits. Et dans tout ça, je n'avais jamais lu la Bible. Et comment tu as fait pour sortir pour aller à l'ancien? Qui t'a envoyé alors? C'est le pasteur. Non, pas le pasteur. C'est l'émotion en fait. Ah, ouais. L'émotion, pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on entendait, qu'est-ce qu'on disait à chaque fois? On entendait de dire que oui, nous sommes les jeunes. Jeunesse pour Jésus. On peut sortir pour aller prêcher parce qu'on a déjà eu Christ aussi. Donc, oui. Soit comme sauvé pour sauver. Bon, attends, on va arriver doucement. Oui. Donc, vous asseyez comme ça, sortons pour aller chez Christ. Oui, on programme aujourd'hui, sauver bon, mercredi, on doit aller bon, à Yopougon, par oui. exemple. On a oui. choisi Yopougon. Et on s'est dit qu'on prie, que le Seigneur va nous montrer un lieu pour aller comme les apôtres. Tout et on a toujours le modèle comme les apôtres. Comme les apôtres. Mais vous sortez quand vous avez désigné l'endroit. Non. Le problème c'est que on avait déjà décidé l'endroit et on prie, on dit bon, on est invité aujourd'hui à Yopougon, allons-y à Yopougon. Mm-hmm. Et quand on sort arrivé, la zone est déjà ciblée, tout et tout. On essaie de faire un peu de louange pour attirer la foule. Mm-hmm. Est-ce qu'on se disait c'était quoi? La louange avec les tam-tam, tout ça. Bon, je pose la question, quand vous parlez au moment des apôtres, vous avez vu les apôtres faire des bruits comme ça? On n'a jamais vu ça. Quand je lis aujourd'hui, je vois que c'était la religion. Il y avait la culture, il y avait tout ça. Et une chose forte encore de cette chose-là, c'était quoi? Oui. On s'est dit que nous, on a une nouvelle stratégie d'annoncer oui. l'évangile. Oui. Parce qu'on peut passer par tout moyen pour annoncer l'évangile. Oui. C'est comme ça on comprenait. On danse. On aime les danses là. Il y a une chose qu'on faisait. C'était quoi? C'était de prendre le tam-tam. Mais on va dans la rue parce que le bruit de tam-tam est attire. Donc quand il y a plus de son, poules, oui. c'est comme on avait comme si on partait à la pêche, oui. comme à la pêche oui. réelle dans la Bible. Oui. Donc l'appât c'est quoi? L'appât c'est la musique. C'est la musique. Oui. Et la musique attire les foules. Parce qu'ils vont vous voir en train de danser dans la rue comme des fous pour donc, Jésus. L'esprit de Rick Warren vous a attrapé, vous ne savez pas. Donc les démons, on danse et quand on danse dans la rue, on dit que nous sommes, peu importe qui se moque de nous, parce que comment nous, on n'avait pas honte de danser comme David. Dans les maquis. Et il y a aujourd'hui... Il y a toujours des situations dans la Bible. Voilà, ouais. Aujourd'hui, on danse pour... On s'en fout s'ils se moquent de nous parce qu'ils peuvent danser ailleurs, mais pour le Seigneur, ils ne peuvent pas danser. Ouais. Nous, on danse pour le Seigneur. Et quand les gens viennent maintenant, quand on voit ils sont beaucoup... On arrête un coup où ils sont inspirés, on arrête. Et quelqu'un parle au micro. Commence à prêcher. Répentez-vous. Ouais, ouais. Donnez votre vie à Jésus. Après, il dit que répétez, ceux qui sont ici qui veulent accepter, qui répétez après moi. Oui, il répète. Comme ça. Après, vous donnez l'adresse maintenant de l'église. Bon, par moment, il y a des dénominations qui nous invitaient parce qu'ils voyaient que Abidjan, oui. Abidjan, c'était, on était parmi des. Les, bon, il n'y en avait pas de groupe qui sortait comme ça pour annoncer l'évangile. Et ce que nous, on a fait, ça a réveillé des personnes ici, en oui. Europe, oui. pour le faire, puisqu'ils nous voyaient sur Facebook. Parce oui. que quand on faisait des petites vidéos... On disait que non, vous êtes courageux. On dit, mais comment encore, tu vois des jeunes comme ça s'élèvent? Parce que ça, il y a au moins 10 ans, 15 ans de cela, on n'a rien voyé ça. Oui. Donc, ça a refroidi jusqu'à... Aujourd'hui, on voit des jeunes gens en train de le faire. Il faut que nous aussi, on le fasse. Donc, plein ont copié de nous. Plein, ils sont là, que je connais. Bon, à ton avis, maintenant, quelle est la solution pour les chrétiens d'aujourd'hui? Quelle est la bonne solution de rappeler la Bible? Peut-être conduit par le Saint-Esprit. Si tu n'as pas donné l'instruction, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas décider de toi-même de faire quelque chose. Tu ne peux pas. Tu n'as aucun pouvoir, parce que c'est sous son contrôle. Si tu n'as pas dit d'aller faire cela, et c'est pourquoi quand on allait, il n'y avait aucune manifestation. Et tu sais que ça se passe encore aujourd'hui. Il n'y avait aucune manifestation. Et tu sais que ça se passe encore aujourd'hui. Il y a une assemblée ici à Namur, comme tous les 1er mai. Il y a la brocante ici, dans le Boumel. Ils prennent le tam-tam, je les voyais souvent, cette année, je ne sais pas, je ne suis pas parti. Ils prennent le tam-tam, ils se mettent à l'entrée là. Donc Jésus, les blancs, regarde. Ah, ces gens-là, ils lient. Hein. Même les blancs ont le discernement. Non, ceux qui ne sont même pas chrétiens, ont le discernement qu'on veut dans le faux. C'est terrible. Ah, ces gens-là, ils lient. Et quand j'ai commencé à lire, toute la journée, et il y a une personne qui se convertit. Ils sont là comme ça. Après, ils rentrent. Ils portent le tam-tam, ils rentrent. Et quand j'ai commencé à lire. Ils coulent la sueur. Doucement. J'étais content de voir le fonctionnement de la Bible. Je me souviens qu'une fois, j'ai dit que parmi vous, il y a quelqu'un qui a un style de choses, il a attrapé. J'ai dit exactement où il a pris ça, n'est-ce pas? Ça, c'est Marc. Et il continue toujours à l'intérieur. Ils sont toujours dedans, puisque les instructions qu'il les a données, de un, depuis, c'était des moqueries, c'était... Parce que lui qui était au-dessus de nous... Tu lui as dit que c'est exactement ce que j'ai dit. Oui. Il s'est moqué. Oui. Okay. Ils n'ont pas accepté, ils sont toujours dedans. Ok. Mais moi, il me suis attiré. Et souvent, il venait derrière moi. Mmh. On dit, mais pourquoi tu ne sens plus avec nous, tout ça? Non, c'est parce que tu t'es marié maintenant, tout ça. J'ai dit non. C'est pas le mariage. C'est pas le mariage. Je ne suis pas... Mais est-ce que tu ne leur as pas demandé d'aller dans la Bible examiner? Mais si, je leur ai dit ça, c'était des discussions à chaque fois. C'était des discussions, ils n'acceptaient pas. Ils disent non, il est égaré maintenant. Et ils accusaient ma femme. Donc tu venais faire égarer le frère des... Et ils accusaient ma femme, mais je comprenais qu'il fallait que je me retire de ce groupe-là pour entendre la voix de Dieu. Pour suivre ce que le Seigneur va me dire, tant que le moment n'est pas encore arrivé. Et souvent, il faisait des posts comme ça sur Facebook. Il y avait beaucoup de débats dessus. Que tant que tu n'es pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas annoncer l'évangile. Et quand il disait ça, il dit non. Non, c'est faux. C'est à cause de tout ça, à cause de ces disputes, tout ça, on a laissé Facebook aussi. Tous ces petits trucs-là. Ça va aussi. Bon, je pose encore la question. Avant que vous ne sortiez, vous avez reçu une instruction quelque part du Saint-Esprit? Avant de sortir là, vous voulez dire, pendant que vous partiez là, le Saint-Esprit vous avait demandé d'aller faire... C'était les invitations personnelles. Wonderful. Parce que le pasteur, puisqu'ils nous voient, et ils veulent que leur église, leur dénomination soit remplie. Donc, qui il faut utiliser? Donc, les gens qui annoncent l'évangile. Vous avez pris les gens là-bas, aller faire des procès. Non, c'était nous. Vous avez fait les... c'était les guerriers de l'évangile. Wonderful. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas peur d'entrer partout. Et c'est comme c'est le slogan qui est là. Le guerrier. Guerrier de l'évangile. Les guerriers de l'évangile. Moi, j'avais quand même une question que je posais à mon ami. Je lui disais que mais quand vous sortez dans la rue, vous évangélisez les gens, vous les attrapez. Oui. Les gens disent qu'ils sont contents, ils ont accepté Jésus, tout et tout. Ensuite, vous les amenez où? Bonne question. Il dit non, quand on nous a. On prend contact avec les dénominations d'à côté, tout et tout. Tu ne sais même pas la doctrine qu'ils enseignent. Après, on les indique qu'ils doivent, on les recommande dans ces dénominations. Et les pasteurs étaient contents de vous. Oui. Et les pasteurs étaient contents. On a eu même l'approbation de un qui nous a donné sa maison. C'est-à-dire, on avait un lieu comme un lieu de retraite à Divo. Oui. Ce qu'on va à la maison, ils nous donnent. Alors vous êtes ici, vous êtes mes enfants. Mais ce qu'il voulait faire, que moi je n'ai pas accepté, c'est-à-dire qu'il voulait s'imposer sur nous. Parce qu'il dit, vous ne pouvez pas faire tout ça là sans qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous. Comme un père spirituel. Voilà, comme un père spirituel. Et moi ça commence non. Oui, comme un père spirituel. Et j'étais beaucoup influencé par cet homme-là. Mais je voulais. Mais il sentait que je n'acceptais pas par moment ce qu'il faisait. Mais c'était un peu comme ça jusqu'à ce que, bon... Alors, je disais que donc, quand vous attrapez les âmes, vous les recommandez dans les dénominations d'à côté. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au juste? Il me regarde comme ça. Il me l'a dépassé. Donc, vous prenez les gens, vous partez à la pêche. Donc, vous partez à la pêche. Les gens sont dans la liberté, vous pêchez les poissons. Vous dites que vous leur promettez la liberté et puis vous les remettez encore en prison dans l'aquarium. Alors, ma belle-sœur était couchée. Lui aussi, il était plié de rire. Il n'a pas compris pourquoi j'ai dit ça. Le poisson est dans la mer, c'est nage dans la liberté. Voilà. Ou quelque chose, il met dans l'aquarium. Voilà quoi. Bah, je pense que depuis ce jour-là, ça a commencé à l'interpeller, quoi. Voilà. Il s'est dit que, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais vous les remettez encore dans les dénominations. Vous n'avez rien fait. Vous savez même pas si vous les enseignez là-bas. Oui, le mal qu'on fait au corps de Christ. Mais le vrai problème, c'est que le fait qu'il voyait que il était allé annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Il croit que c'est fait pour tout le monde, que tout le monde doit automatiquement sortir pour le faire. Quand tu es chrétien, ton premier devoir, c'est d'aller annoncer. C'est pas ça. C'est pas ça. Après d'avoir dit sortez et allez annoncer la bonne nouvelle, il a d'abord dit attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ils n'ont pas vu ce deuxième volet là. Les gens ne sont pas sortis à annoncer à moins que le Saint-Esprit vienne sur eux. C'est ce qu'il en est. Et puis encore dans tout ça, il y a des femmes dedans. Des enfants. Des femmes, des enfants qui sont dans la rue en train de crier. C'est un peu comme le témoin de Jéhovah. Alors maintenant, si on était... On n'a pas vu ça dans la Bible. Si on était avec eux aujourd'hui, ils passaient vers l'Asie, ils voyaient que la porte de l'Asie était ouverte, ils devaient faire quoi? Vous devez faire les tam-tams en entrant là-bas, non? Oui, oui. Les dragons devaient vous avaler là-bas. C'est les dragons qui devaient vous accueillir là-bas en Asie. Vous devez voir ce que Wang Shung fait à Yingon. Donc en réalité, vous voyez effectivement qu'il veut passer là-bas. Le Saint-Esprit refusait parce qu'il y a des gens là-bas. Mais on dit refuse, on n'a pas dit qu'il refuse d'entrer, d'annoncer la parole dans toute l'Asie. C'est pas ce qui est écrit. Il dit qu'ils sont pris de la Bithynie, ils se disposaient à entraîner en Bithynie. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Mais c'est quand même fort là. Mais avant, on croyait qu'il était venu sauver tout le monde. Tout le monde. Mais quand on écoute encore ça, on se pose quand même la question. Non, pas ça. La Bible s'est contredit ou pas? Voilà. Il faut plutôt lire la Bible de la bonne façon. Voilà. Ok. On avance avec les questions, avant que les guerriers de l'évangile nous fassent les guerres. Non. Tous ceux qui sont des DJ les réformes pour sa gloire. Il avait aussi la question que les gens qui sont enfermés là-bas dans les dénominations. Oui. Bon, on ne les a pas encore prêché l'évangile de la bonne façon. Oui. Est-ce que tout cela, ça sous-entend qu'ils vont, aller brûler à l'enfer, dans leur état comme ça? S'ils restent dans cette position. Prenons le cas des musulmans qui sont enfermés dans le musulmanisme. S'ils mettent comme ça, ils vont brûler, ils ne vont pas brûler. Si. Vous voulez utiliser les voies et moyens pour essayer de dire aux gens qui sont sauvés ou qui ne sont pas sauvés. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Mais Dieu va sortir. Ceux qui lui appartiennent, ils sont tous ceux qui lui appartiennent. Que ce soit chez les musulmans, bouddhistes, témoins de Jéhovah, ses enfants sont disciplinés partout. La Bible déclare qu'il connaît tous ceux qui lui appartiennent. Elle a dit que ses brebis entendront sa voix et viendront. Elles les suivront. Point un autre. Quand quelqu'un va suivre une religion, c'est qu'il a entendu notre voix. Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Il est dans le sentier de la vérité. D'accord? Et le sentier de la vérité, c'est le sentier de la liberté. Amen. Ils sortent chacun à son moment. J'ai compris dans tout cela. Ils sortent chacun à son moment. Il y a des gens qui sortent plus tôt, ils vont se perdre. Oui. Il faut encore les laisser là-bas. Ils sont sortis vraiment au moment où. Donc, ce que j'ai compris, tout ce que Dieu fait est bon. Ce que j'ai compris en conclusion dans tout ça, c'est que le Seigneur. La première des choses qu'un enfant de Dieu doit faire dès que le Seigneur l'appelle, c'est de s'asseoir. Au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, examiner la parole aussi. Manger au fur et à mesure. Parce que si tu n'as pas tout ça, qu'est-ce que tu vas aller dire aux gens? Tu vas inventer des choses, tu vas dire des choses qui ne sont pas. Mais là, toi, tu es un exemple vivant. Oui. Tu dis que tu sortais par les prêcher sans lire la Bible. Oui. Mais là, tu lis la Bible, tu découvres quelque chose. Beaucoup de pasteurs sont comme ça. Il y a des prêtres même qui sont prêtres, ils n'ont jamais lu la Bible. Ils ont lu Origène, ils ont lu Saint-Augustin, ils ont lu Thomas d'Aquin, ainsi de suite, les livres des fins philosophes. Tu demandes de lire quelque chose, il dit que l'évangile selon Saint-Luc, quelque part là-bas, ça dit ceci. Quoique quelque part, Saint-Paul dit quelque chose. Il dit qu'il croit que Saint-Paul dit quelque chose. Mais il peut citer le philosophe à la lettre. Mais la Bible qui donne la vie ne dit pas, et les prédicateurs ne connaissent pas. Ils passent en enseignant des cours de théologie, dit que on nous a enseigné, oh j'avais un grand docteur, un tel qui était dans l'université du Canada. Il dit quand le docteur l'a prêché, mon pied bougeait. Quand il te parle de la démonologie comme ça, là, tu vois dans la Bible, tu ne vois pas la démonologie. Tu dis, d'où est-ce que tu vas chercher cela? Il allait ramasser là-bas, on l'a embrouillé là-bas avec la folie. Donc, et il ne lit pas la Bible. Et la Bible déclare que c'est assez heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de ce livre. Ce livre, pas un autre livre. Ce livre qui a été donné. Pas un autre. Les gens aiment les sensations fortes. Alors il faut qu'on se réponde. Il est temps qu'on s'assoie au pied du Seigneur. On demande, Seigneur, que veux-tu que j'y fasse? C'est ce qu'il faut demander. Juste que Dieu te réponde. Il te répond, tu fais ce que tu as à faire. Amen. Les questions? On fait comment? Moi, je suis en patron. On fait comment là? On va y voir. Il connaît. Tu sais, il connaît. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Il y a des gens qui avaient des cahiers de questions aujourd'hui. Depuis, on n'entend pas de questions. Il y a beaucoup de questions. Ils sont répondus en bas. Ok. Donc ne bougez pas quand Dieu ne vous a pas envoyé. Quand Dieu vous a envoyé, faites ce qu'il vous a demandé de faire. Sans plus, sans moins. Est-ce que vous comprenez la responsabilité lorsque vous saisissez la vérité? Lorsque la vérité vous est prêchée, ou mieux, lorsque vous connaissez la vérité, la responsabilité qui incombe à votre vie. Ça veut dire que vous ne devez plus vivre comme les autres vivent. C'est grave comme responsabilité. Là où les gens fraudent, vous ne devez plus frauder. Même si ça vous coûte n'importe quoi. Là où les gens pêchent, vous ne devez plus pêcher. Parce que désormais, la vérité fait pour t'affranchir afin que tu sortes des ténèbres. Si tu rentres consciemment dans les ténèbres, il n'y a plus de sacrifice pour toi. Dit la Bible. Des questions? S'il n'y a pas de questions, on va prier. C'est à quel moment le Seigneur pardonne maintenant? Comment? À quel moment il pardonne? Pardonne lorsque tu lui as demandé pardon. Devant ou derrière? Et donc, il pardonne pour maintenant, pour toujours. C'est parce que tu as prêché maintenant et pour toujours aussi. Et à jamais. Moi j'avais une question qui me vient maintenant. Tu as... Attends, comment tu avais une question qui te vient plutôt maintenant? Oui, c'est tu avais une question, mais que tu as. Ok, ok. Oui. Tu as fait beaucoup de choses depuis l'enfance. Oui. Les péchés de l'enfance, les péchés de la jeunesse sont nombreux. Oui. Et on ne se rappelle pas tout en détail. Oui. Mais parfois. Tu peux te rappeler que tu as commis un tel acte. Quand tu te rappelles sur le Saint-Esprit qui le fait, tu demandes pardon, tu avances. Maintenant, tu ne sais pas, tu ne connais même plus le visage de la personne. Mmh. Tu ne connais même pas le nom même de la personne, mais tu sais que tu as fait telle chose. Oui. Mais il y en a aussi que tu es conscient que tu en as fait. Mmh. Mais si tu veux les détailler, même une vie ne suffit pas. Donc mieux tu détailles parce que de toute façon tu as péché. Mais tu n'as pas péché par toute une vie. Parce que ce qui est fait, que tu n'as pas fait, tu n'as pas duré toute une vie pour le faire, tu l'as fait dans une séquence. Mm-hmm. Donc tu peux quand même détailler jusqu'à ce niveau de livre. Mm-hmm. D'accord. De toute façon, il ne faut pas qu'on carjole le péché. Mm-hmm. Quand c'est fait, s'il y a des réparations à faire, il faut faire les réparations. Quand il y a la confession à faire, il faut faire la confession. Quand nous restons chaque fois dans notre vie, subitement, quelque chose déclenche. Le Saint-Esprit te rappelle qu'il y avait quelque chose que tu avais fait. C'est vraiment du Saint-Esprit qui va t'indiquer la repentance. Mm-hmm. D'accord. C'est un peu des questions, on va prier. Oui. Bon, il n'a pas de question en réalité. Quand la Bible parle du repenti de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque Dieu ne se repent pas. C'est selon les hommes, d'accord. Ce n'est pas qu'il se repent comme un homme disait que oh, je regrette. Ce n'est pas ça, c'est la question. Comme il dit dans Genèse chapitre 6, c'est encore un autre gros morceau là-bas. Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Mais la Bible déclare dans Nombre 23 qu'il n'est pas un fils, un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme. Donc ça veut dire que la Bible parle comme les hommes pour qu'on puisse saisir. Ok. Ça va, c'est bon. Si c'est bon, vous me fermez vos propres Bibles. Parce que la mienne est fermée depuis. Ah. Nous avons passé des bons moments ici en Belgique, n'est-ce pas? Est-ce que les malédictions d'un parent peut maudire son enfant et puis ça va le prendre? Oui. Même s'il est chrétien. Voilà, maintenant là, c'est un problème. Je vais citer un commandement. Je vais citer un commandement. Honore ton père et ta mère. C'est tout? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens 6. Non, on va dire que verset. Qu'est-ce qu'il dit? Afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Donc tu honores ton père, tes jours se prolongent. Tu déshonores ton père. Tes jours se raccourcissent. Ok, bon, c'est bon, c'est très bien. Donc tu obéis, tu honores ton père, il y a la bénédiction. Tu désobéis, il y a malédiction. Mm-hmm. Des questions? Maintenant, ici, il te dit de faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Non, mais là tu sais très bien que c'est contre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas obéir quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Oui. Parce qu'on a dit qu'il faut on doit honorer Dieu. Mm-hmm. N'est-ce pas? Voilà. Là, tout ça, quelque cas, c'est flagrant. Si un parent te dit que tu dois faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, tu sais exactement ce qu'il faut faire. D'après la Daniel, écoute. D'accord? Tu dois faire exactement ce que la Bible déclare. Mm-hmm. Même si ses parents-là, ils n'aiment pas qui. D'accord? C'est tout? Mm-hmm. Fais dit, ça va. Il n'y a plus de préoccupation. Donc, tu as parcouru le monde, tu me vois seulement comme ça, là, tu les vois ma barbe. Tu maintiens les choses à causer en privé. Peut-être bien, mais... On prie pour toi. Mais non, si on prie maintenant, ça risque de prendre le temps que tu ne connais pas. On commence, parce que si on commence, on ne sait pas quand ça va durer. Comment ça va durer. Tu es d'accord? Tiens-toi dans des bouts, alors. Oui. Les choses dont nous avons dit hier, tu veux que ça s'arrête? Je veux que ça s'arrête. Que ça commence une tape ici, hein. Parce que quand ça commence, les gens sont forts, deviennent forts pour taper sur les gens. C'est quoi déjà? On avait parlé de quoi déjà? Qu'il faut que c'était quoi? Tu as dit les mariages de nuit. Donc, tu t'es marié que la nuit, on t'est marié dans le jour, tu t'es marié tout à la nuit. Hein. Non, mais je suis. Mais elle dit que c'est toi qui dois prier pour elle. Non, c'est toi. Mais, toi, tu dois, on doit prier pour elle, n'est-ce pas? On doit prier. Qui est chaud pour prier pour elle? On va prier. On commence. Ouais, ouais. On. Non, mais pourquoi elle a juste. C'est pas le talent. Non, c'est pas le talent, mais. Elle peut être beauté avec ça toi. Peut piétiner quelqu'un. Ah, ok. Comment ça, je sais pas sortir. Il y a des enfants. Non, elle va marcher, c'est sûr. Les enfants, là, allez en bas, allez vous asseoir en bas. Les enfants, allez en bas. Je vais vous mettre le. Allez vous trouver une place là-bas en bas. Je vais vous mettre quelque chose, vous allez voir. Hein? Non, ne fais pas qu'on appuie le deux ici. Non, avec sa maman. Allons là-bas. Allez, vous asseyez. Junior va vous mettre quelque chose. Prends le stylo là qui est tombé, tu déposes. Allez, vous asseyez, je viens vous mettre quelque chose. On commence. Je recommence encore. Qui veut prier pour elle? Qui veut commencer la prière? Vous ne voulez pas chasser cet esprit, vous voulez qu'elle rentre comme ça avec ça, hein? Hein, mon frère? Hein, mon frère? Non. Tu dis que c'est moi qui fasse, hein? Moi-même, je peux dire que on qui, non? On. Mais ma part aussi. Frère, tu ne veux pas prier? Ok, maintenant, qui prie pour elle? Donc, il rentre donc comme ça, elle rentre donc comme ça, on la laisse rentrer. On prie ou on ne prie pas? C'est bien, Dieu nous connaît déjà. Mmh. On qui là? On c'est pour qui? C'est le nom de qui? C'est l'Assemblée. C'est l'Assemblée. C'est pas comme ça, vous allez prier en désordre. Quel candidat? Dans les méthodistes, on ne chassait pas les démons là-bas. Hein. On chassait, mais je pensais que j'avais aussi un problème puisque j'avais. Je voyais tout le monde tomber, tout le monde... Toi, tu ne tombais moi, pas? Moi, je ne tombais pas. Je me posais la question si c'est moi le problème. Ok, bon, attends, tu voulais tomber. Ben... Tu vois que tout le monde tombait, c'était immobile. Bon, comme tu tombais, parce que ça suppose que tu es résistant. Donc, tu vas la faire tomber, alors. Donc, si c'est quelqu'un a un problème, il faut que le problème sorte, n'est-ce pas? Oui. On va prier pour elle, d'accord? Oui. Salut, moi, lève-toi, tiens-toi sur debout. Oui. Et les coups comme moi, donc. Ça veut pas... Donc pendant qu'il sera en train de prier, pour elle, vous vous mettez aussi en prière. Il n'est pas dit que vous criez. Vous priez, on n'a pas besoin de crier. C'est lui qui prie. Mm-hmm. Donc l'autorité est sur ton épaule. Comment frère? Donc tu vas prier pour elle, d'accord? Mm-hmm. Un, le mari des nuits. Salut mon machin. Depuis, est-ce que c'est salut mon machin? Ça va? Mm-hmm. Le mari des nuits doit être chassé. Tu connais le mari des nuits? Mais je connais pas, mais... Ouais, j'ai déjà entendu parler. Est-ce que le mariage de nuit est bon? Non, c'est nuit. Pas bon. Alors, dans ce que je dis, il faut qu'on détruise là, n'est-ce pas? Très chassé. Donc, je crois qu'il faut que l'enfant va voir le tintin en bas. Ouais. Le tintin? Oui. Descends avec lui. On va prier, tu pries pour elle, en priant. Va voir tes frères. Oui. Allez, gars. Pourquoi il veut voir ses frères en bas? Je crois qu'on enlève ceci, on met la table quelque part. Voilà. C'est ce qu'il proposait qu'on dégage là. Comment? Tu veux rater les bosses ou quoi? Non, c'est par une mesure de prison. Quand tu connais. Pour ne pas que tu te cognes quelque part. Non, pas ça. Elle va te cogner comment? Vous la poussez qu'elle se cogne quelque part. Pas ça. Comme on n'a pas trop d'espace, c'est tout ça. Voilà. Attends, il y a la bouteille. Wow, heureusement que tu as. Très vite vu là. Voilà, c'est bon. Pour avoir plus d'espace. C'est... Voilà, tu vois que là maintenant tu peux avoir une place d'interaction, n'est-ce pas? Il va prier pour toi, d'accord? Nous n'avons rien contre toi, mais il faut que ta vie soit en règle, d'accord? Il faut que toute personne qui te dérange dans la nuit, quel que soit son nom, qu'il soit chassé au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Tu vas l'aider, d'accord, frère? Vous êtes guéris. Ah, voilà les gens qui marchent à Abidjan. Voici Yopougon, tous les jours, c'est Yopougon qui sont représentés là-bas. Allons-y, prie mon cher. Ce n'est pas le genre de prier là. Ici, il y a déjà prié. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, tu es bon. Il est bon. C'est pour ça qu'il t'envoie ici, tu pries. Donc ici, c'est la phase pratique de l'évangile. Il est écrit dans la Bible qu'en mon nom, ils chasseront des démons. Ici, c'est tout dans cette vie-ci de démons. Donc, tu dois le chasser. Ici, ce n'est pas la prière de remerciement au Seigneur. Ça, nous allons remercier quand on va finir toutes choses. D'accord? Pour l'autre chose, on va dire, Seigneur, tu es bon, on va l'apprécier. Ça, c'est son adoration à lui. Mais ici, c'est toujours un esprit à qui on doit parler d'équité. D'accord? Donc, tu fermes tes yeux en disant que Seigneur, toi, tu risques de tomber toi aussi. Donc, tu dois ouvrir les yeux en fixant là-bas. Mais tu ne dois pas la regarder avec ses yeux-ci. Les yeux dont tu vas regarder, c'est ce que tu dois regarder. Avec ces yeux qui sont ici dans ton cœur, tu dois regarder ce qui est à l'intérieur. Et si tu regardes à l'intérieur, tu vois ce que j'en ai de voir, tu peux dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance des ténèbres qui se trouve dans ce corps, je te commande de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui confesse passer le nom de Jésus puisse quitter le corps de notre soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit qui confesse pas le nom de Jésus puisse quitter le corps de notre sœur. Tout cela s'efface selon ta volonté. Que tout esprit qui confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus dans le corps de notre sœur puisse quitter. Même si elle ouvre, c'est pas un problème. Quand il va se manifester, il va se manifester. Elle peut vous regarder, vous tous, c'est pas un problème. Il faut seulement qu'il prie, Il faut seulement que tu commandes avec autorité. Que tout esprit qui confesse pas le nom de Jésus dans le corps de notre soeur quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Car c'est par son nom et son nom seul que les démons obéissent. Et on demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu puisses libérer notre sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter ce corps. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Quitte. Au nom de Jésus-Christ. Nom qui est au-dessus de tout le monde. Autorité suprême. Au nom de Jésus-Christ. Autorité suprême. Seigneur des seigneurs, roi des rois. En ton nom, tout esprit, tout genou fléchi. Quitte. Seigneur Jésus-Christ, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Nous t'invoquons dans ce lieu. Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit l'esprit, libère le corps. Quel que soit son nom, quelle que soit sa taille, Nous ordonnons que ces mains. Nous te demandons de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, notre Dieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, roi divin. Manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ. Autorité suprême, chef de l'Église. Nous te demandons de quitter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libère son corps. Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Libère son corps au nom de Jésus-Christ. Son corps. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te demandons de quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Libère. De quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Libère. Quitte ce corps. Quitte. Donne de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. quitte ce corps. La victoire est dans le sang, alléluia. Dans quitte ce corps. Dans le nom du Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, mon sauveur. La libère. Victoire est dans le quitte ce corps. Alléluia. À Jésus, la gloire, à lui l'honneur. La victoire est dans le nom. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le nom. Alléluia. À Jésus, la corps. Gloire, à lui l'honneur. Jésus, quitte gloire, gloire, gloire, gloire, puissance à l'agneau. Gloire, gloire, gloire, au nom de Jésus, quitte. La victoire est dans le nom, alléluia. À Jésus, la gloire, à lui l'honneur. La victoire est dans le nom, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Je t'ordonne de quitter ce corps, libère. La victoire est dans le nom, alléluia. Quitte, Jésus, libère la soeur, quitte, lui, au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, gloire, gloire, gloire, gloire, puissance à l'agneau, gloire, gloire, gloire, à lui l'honneur, la victoire est dans le nom, alléluia, à Jésus, au la nom gloire, de Jésus-Christ, à lui quitte. L'honneur. Je te recommande de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte ce corps. Quitte. Quitte. Quitte. Au nom de Jésus-Christ. Quitte. Quitte. Quitte. Nous t'ordonnons de quitter ce corps. Qu'il ne confasse pas le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, quitte! Quitte! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère, quitte! Quitte de ce corps, quitte! Quitte! Quitte. Quitte. Quitte. Et les péchés oubliés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens. Je t'ordonne de quitter. Quitte. Jésus, je viens. Quitte ce corps. Je viens à toi. Tel que je suis. Au nom de Jésus-Christ, quitte. au nom de Jésus-Christ. Tends la main comme moi j'ai tendu la main. J'ai toute puissance impure. Toute puissance impure. Qui régnait dans la vie de cette femme. Qui régnait dans la vie de cette femme. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Encore, toute puissance impure. Toute puissance impure. Qui régnait dans la vie de cette femme. Qui régnait dans, dans la vie de cette femme. Je t'ordonne, t'ordonne de sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vois, en dehors. Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-la maintenant. Quitte-la. Quitte-la. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte son corps. Allez, quitte. Tu n'habiteras plus son corps, tu ne manipuleras plus sa vie. Quitte maintenant. Thank you. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tout ce que vous avez fait comme prier, vous ne savez pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Vous ne savez pas, on n'est pas au courant de ce qui s'est passé tout à l'intérieur, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais ce que toi tu as fait? Est-ce que tu sais ce que toi tu as fait? Parce que tu n'as pas vu, tu as compris que rien ne s'est passé, n'est-ce pas? Vous savez, quand vous creusez le puits, quelqu'un creuse, il arrive à un niveau. L'autre vient creuser, il arrive à un niveau. Il faut qu'on trouve l'eau, n'est-ce pas, frère? Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Toi qui loges dans son ventre, je te commande au nom de Jésus Christ de Nazareth de quitter maintenant. Toi qui loges dans son ventre, je t'ordonne au nom de Jésus Christ de Nazareth de quitter maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Wow. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Qu'est-ce qui avait sorti les yeux? Bien, c'est la fille, non, Georges? Après, on va